ma peau. Tu es celle que je suis. Alors promets-moi de me faire un enfant. Même dans le dos, si vraiment tu en meurs d'envie. Et là je serai le meilleur des amants. Comme une envie d'aller faire un tour du côté de nos amours. Viens chez moi te mettre à l'abri. On ira sous les draps écouter la pluie. Viens chez moi te mettre à l'abri. Voir mon paradis. Voir mon paradis. Mon alter ego, fuis-moi, je te suis. Alors promets-moi de signer pour 100 ans. J'aime pas pour de faux, mais seulement pour la vie. Et là je nous vois comme de vieux amants. Comme une envie d'aller faire un tour du côté de nos amours. Viens chez moi, te mettre à l'abri. On ira sous les draps, écouter la pluie. Viens chez moi, te mettre à l'abri. Voir mon paradis, voir mon paradis. Et on fera dame. Chez moi voir mon paradis. On ira sous les draps.